dans ce monde. Même avec le temps, la haine ne sait pas dissiper. La force n'est plus ce qu'elle est, elle me paraît frustrée. Dans ce monde, trop de gens s'armagnent et les couteaux s'en servent juste pour te les planter dans le dos. Dans ce monde, ça me fait bien rire. Ça me réjouit vos conseils, trouve du boulot, bois rien. Alors que ce con, tous les soirs depuis 20 piges, je trempe sa réussite à ce qui paraît. C'est ce que dit sa femme dans Jack Daniel. Merci du conseil, ça fait plaisir. Mais je t'assure, je préfère rester dans mon délire. Car dans le chat, ma réussite va se retrouver en bois sans dépérir. Je veux pas jouer les moutons pour enrichir votre charmante. Dans ce monde, l'amitié c'est comme dire je t'aime à un inconnu ou vive avec ta mère pendant 16 piges. Et à la fin, dire à tes potes que tu l'as pas connu. Ce monde, j'ai jamais voulu connaître, même si je le laisse pas paraître. Dieu puisse choisir un autre monde sans dire au revoir puis disparaître. Mardé toujours kicker des thèmes, je vais rappeler mon mallette. Gourpois avec ma lettre. Dans ce monde, on a eu des charmants présidents. Un gars dit qu'on pue, l'autre qui l'a cru, qui est tombé dedans. Et c'est au cachère, madame, messieurs qui souhaitent nous nettoyer. Vive la politique, est-ce que ces cons peuvent nous faire marrer? Dans ce monde, ça tire dessus. Pour une cigarette, mais tu n'y as pas donné. Plus efficace qu'un patch, il t'a acheté pour que t'arrêtes. Maintenant que t'es mort, il sait qu'il a fait son devoir. Il est pas prêt à revoir la clope aux bêtes. On fait face à la stupidité de l'humain qui apparemment ne sait plus quoi inventer ou faire de ses mains. Dans ce monde, je suis qu'un observateur qui donne le goût de ses observations, qui cherche à lui un inversé de ce monde. Je me sens comme le berger à la recherche de ses moutons perdus. Je résiste, je persiste même si cette réalité me perturbe. Dans ce monde, la gloire est au pouvoir, mais j'en veux à peine. Je préfère tailler dans mon monde. Vous en faites un pain. Dans ce monde, je peux t'assurer que c'est foutu, qu'on a vécu que les coups durs. On résiste en espérant se faire une autre planète. Car dans celui-là, ton paraît pas net. Bienvenue en plein cœur de ces putains de mallettes. C'est net, dans ce monde, je m'en fous des tendances, des vieilles coutumes de la France, de ces principes qui m'offensent, de ces cow-boys qui nous forcent à l'outrance. D'un système qui s'en balance. Si c'est ça, pas de vos lois, on soit contrebalance. Votre code pénal, allez-y, torchez-vous avec Sarko, écoute ça en plein cœur de mon mal-être.